Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent. Il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Thank you. Thank you.